La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. L'astrophysicien qui est notre invité cet après-midi est un scientifique multiprimé pour ses travaux sur les origines de l'univers. Jean-Loup Puget, c'est son nom, est en effet un des acteurs majeurs du satellite Planck qui a livré l'image la plus précise de la première lueur émise dans l'univers, environ 380 000 ans après le Big Bang. Il a obtenu l'année dernière 3 récompenses majeures en astronomie qui sont pour certaines des équivalents du prix Nobel. Et avec lui, nous allons revenir sur les découvertes de la cosmologie, sur l'aventure Planck qui a livré donc des informations inédites sur l'observation de l'univers. Jean-Loup Puget répondra bien sûr à toutes vos questions et vous pouvez nous rejoindre sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Héloïse Rambert, bonjour. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui à la Une de la Science, Héloïse, on s'intéresse à l'âge des internautes qui partagent le plus de fausses informations sur Facebook. Et oui, et on va voir que ce ne sont pas les jeunes qui partagent le plus les fausses informations, malgré les idées reçues, mais plutôt les personnes bien plus âgées. Allons bon, et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons la chronique de santé polémique du docteur Dupagne, consacrée aujourd'hui à l'effet nocebo. Fanny Boyon réalise l'émission, préparée aujourd'hui par Chantal Le Montagnier. La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Bonjour Jean-Loup Puget. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ravi de vous accueillir. Vous êtes astrophysicien et vous êtes donc notre invité aujourd'hui pour parler de vos travaux sur le contenu de l'univers. Vous êtes le premier Français dans votre discipline à avoir été lauréat de ce prestigieux prix de la Fondation Shaw, qui est l'équivalent donc du prix Nobel en astronomie. Il paraît que c'est en ouvrant votre boîte mail que vous avez appris que vous aviez justement reçu ce prix, c'est ça ? Oui, absolument. Ouais. J'ai ouvert ce mail en voyant que c'était la Fondation Shaw pour voir qui l'avait eu. Et c'était vous. Et c'était moi. Alors je pensais qu'ils m'auraient prévenu, mais non. Et c'était quelques heures avant la conférence de presse à Hong Kong. Donc, c'est ça. C'était un peu surprenant, mais une très bonne surprise. Vous avez eu le temps de prendre l'avion quand même ou c'était bien plus tard? Ah non, c'était deux mois avant la remise du prix qui était en septembre. Vous avez relu le message plusieurs fois avant? Oui, j'ai relu le message. C'est ça, vous êtes pincé. Ouais. Non, c'est un prix très très important qu'on connaît moins évidemment que le Nobel. Oui, qui est quand même pas au niveau. Mais quand même, dans votre discipline, c'est un prix extrêmement important, qui est d'ailleurs très très bien doté, et qui récompense quoi alors finalement? Plusieurs disciplines, il y a trois prix qui ont été remis d'ailleurs en même temps. Il y en a un en astronomie, un en mathématiques et un en médecine biologie. C'est ça, ouais. Et alors en astronomie, vous êtes le deuxième que nous recevons à ce micro, l'autre est suisse. Ah oui. Et vous le connaissez, hein? Absolument. C'est Michel Mayer. Michel Mayer pour les planètes extrasolaires. Exactement. Alors on va bien sûr discuter avec vous non seulement de ces distinctions, mais surtout de l'objet de ces distinctions, c'est-à-dire les récompenses qui couronnent vos travaux et toutes ces découvertes réalisées autour de Planck, puisque justement ce sont les résultats déterminants que vous avez obtenus qui ont été récompensés à travers tous ces prix. Il y en a eu 3 rien que l'année dernière. Oui. Alors le Gruber, c'est un prix de cosmologie. Et effectivement, c'était l'équipe Planck, et puis moi comme responsable de l'instrument haute fréquence, et mon collègue italien Nazzanarino Mandolesi pour l'instrument plus basse fréquence. Oui. Donc on récompense vos travaux, travail avec Planck, le travail d'équipe aussi, hein, parce que c'est ça, c'est toute une aventure collective finalement, le satellite Planck. Hein. La team Planck, qu'il a fallu qu'on définisse pour le prix, qui est sur le site du site Gruber, a 350 noms quand même. Ouais. Et les signatures des papiers Planck, c'est typiquement 250 en moyenne, ou un peu plus de 250 à 300. C'est pas tout à fait autant que la physique des particules, mais ça commence à y ressembler. C'est vrai. Alors, si le projet a été extraordinaire et on est extrêmement content d'avoir fait, effectivement, travailler dans des très grandes équipes comme ça, ça a pas mal de contraintes et c'est moins agréable que travailler dans une toute petite équipe. Mais c'est nécessaire pour réussir à faire des projets de cette taille. C'est une sacrée aventure quand même, Planck. Hein. On va raconter cette aventure. Voilà. On a commencé en 1993. Aux auditeurs, parce qu'effectivement, c'est une aventure au long cours, mais qui a livré ses résultats beaucoup plus récemment. Comment est-ce que vous pourriez le résumer, d'ailleurs, dans le domaine de la cosmologie, tout simplement, ce que représente Planck et ce satellite Alors, dans le domaine de la cosmologie, donc, et l'observation de cette première lumière, la situation où on était au lancement de Planck, était de chercher à analyser en détail sa granularité. Il faut bien qu'il y ait eu des grumeaux dans la soupe cosmique pour construire les galaxies, les étoiles, etc. Ouais. Et ça avait été observé par le satellite Kobe, mais seulement à très grande échelle. Et il y a eu deux satellites qui ont été sélectionnés à peu près en même temps. Ouais. Un par la NASA, WMAP, et Planck, qui était beaucoup plus sensible et qui a pris plus longtemps à construire, Planck. Et donc c'est ça qu'on a fait. Et le résultat principal, ça a été de vérifier un certain nombre de prédictions sur ce que les cosmologistes appellent la phase d'inflation, sur laquelle on pourra peut-être revenir. On va rentrer dans les détails avec vous, et puis on va décrire donc cette aventure européenne en l'occurrence, et puis vous répondrez bien sûr aux messages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission sur franceinter.fr. Est-ce qu'il y a beaucoup de fake news dans le domaine de l'astrophysique, Jean-Loup Puget? Est-ce non, qu'on pas en vraiment. Non, hein, on essayait de trouver tout à l'heure, mais oui. Peut-être que nos auditeurs ont des exemples à nous donner, mais a priori, non, c'est plutôt une discipline qui serait épargnée par la chose. Non, comme je le disais, dans le domaine du spatial, oui, mais dans le domaine astrophysique. Et bien, on en parle tout de suite puisque c'est le sujet à la une de la science. Now you finally have a president. Enfin, vous avez un président, enfin. The media. Les médias ne pensaient pas qu'on gagnerait. Mais ils ont sous-estimé le pouvoir du peuple. Nous combattons les fake news. Donc je ne suis pas contre les médias, je suis contre les fake news médias. News, media or press. Voilà, le président Trump en février 2017, très remonté contre les fake news et ceux qui les propagent. Et c'est donc notre sujet à la une de la science aujourd'hui, Héloïse Rambert. Oui, alors que les fake news, ou en français les fausses informations, Donald Trump en a largement profité. Une étude américaine qui vient de paraître dans la revue Science Advances s'est intéressée à la propagation de ces fausses informations pendant les élections présidentielles de 2016 aux États-Unis et surtout à qui était derrière son ordinateur pour les diffuser. Les résultats confirment que ce sont les sympathisants de Donald Trump dans leur écrasante majorité qui étaient à la manœuvre. Mais le travail des chercheurs met en lumière un point plus étonnant. Au-delà de l'orientation politique, c'est l'âge des internautes qui est déterminant quand il s'agit de relayer ou non une nouvelle farfelue. En fait, ce sont les plus de 65 ans qui partagent le plus les fake news en moyenne. Les utilisateurs de cette classe d'âge le font 7 fois plus que les 18-29 ans. Alors pour décrypter ces résultats, on reçoit Romain Badouard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à Paris 2 et vous êtes aussi auteur de l'ouvrage « Le désenchantement d'Internet, désinformation, rumeurs et propagande ». Alors est-ce que déjà les résultats de cette étude vous étonnent ? Non, les résultats ne m'ont pas vraiment étonné. C'est vrai que lorsqu'on suit les mouvements d'opinion sur les réseaux sociaux, on peut avoir le sentiment que ce ne sont pas forcément les plus jeunes qui partagent le plus de fausses informations. Le problème d'un réseau social comme Facebook, lorsqu'on est un chercheur en sciences sociales, c'est qu'on n'a pas accès au profil sociodémographique des internautes, donc on ne sait pas vraiment qui sont derrière les comptes qu'on étudie, d'où l'intérêt justement de cette étude. Alors, on rappelle que cette étude, elle est 100% américaine, hein, il n'y a pas eu d'étude française équivalente, mais est-ce que d'après vous, ces résultats peuvent quand même éclairer sur notre propre sociologie sur Facebook ? Oui, disons qu'il n'y a pas de raison que les résultats soient différents en France pour la simple et bonne raison que la sociologie des utilisateurs de Facebook est à peu près la même aux États-Unis et en Europe. C'est vrai que Facebook, par rapport à d'autres réseaux sociaux, a cette particularité d'être populaire dans les deux sens du terme, c'est-à-dire qu'à la fois il est très utilisé et en même temps il est utilisé par les différentes couches de la population, contrairement à Twitter qui est un réseau plus élitiste ou par Snapchat et Instagram où les jeunes sont beaucoup plus représentés. Alors, pourquoi est-ce que les plus de 65 ans diffusent plus les fausses informations ? Ça semble un peu contre-intuitif pour nous. C'est vrai, bah, au moins ça brise quelques représentations qu'on peut avoir. Alors les chercheurs derrière cette étude avancent différentes explications. À mon avis, la plus convaincante, c'est que les plus de 65 ans sont assez autodidactes avec le numérique. Ils n'ont pas forcément été formés ou sensibilisés aux enjeux des usages du numérique. On sait en France, par exemple, dans les études du Crédoc, que 41% des plus de 70 ans qui utilisent Internet ont appris seul à s'en servir, contrairement à 10% pour le reste de la population. C'est-à-dire que quand on est jeune, on a été sensibilisé à ces questions-là à l'école, à l'université. Quand on est adulte, au travail ou par le biais de ses enfants. Mais quand on est retraité, on a souvent appris à s'en servir seul. Mais à quoi on est sensibilisé finalement ? Au fait, par exemple, d'être attentif à la lecture d'un article, d'en rechercher la source, de voir si effectivement les propos tenus sont réels ? Voilà, alors à l'école, il y a des ateliers d'éducation aux médias dans lesquels on sensibilise les plus jeunes à ces questions-là. Mmh. Et puis même le fait d'avoir grandi dans un écosystème numérique fait qu'on va acquérir ou intégrer un certain nombre de réflexes par rapport aux informations qui circulent. Et pour cette catégorie de la population, les retraités, hein, est-ce que ce n'est pas aussi le moyen de s'exprimer par un biais numérique alors que la société peut-être leur donne moins la parole ? Si, vous avez tout à fait raison de dire ça. On sait que le partage des fausses informations, paradoxalement, n'est pas lié à la crédulité. C'est-à-dire que c'est pas, si on partage des fausses informations, c'est pas forcément qu'on est naïf. C'est plutôt qu'on va adhérer au message qui est propagé par la fausse information sans forcément y croire dur comme fer. Par exemple, dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes en ce moment, il y a beaucoup de journalistes qui ont parlé des fausses informations qui circulaient sur les groupes de Gilets jaunes. Mais on peut aussi imaginer que ceux qui les diffusent, que ce soit des images plus anciennes que le mouvement ou autre, cherchent plutôt à faire passer un message politique plutôt qu'à vraiment chercher à informer leurs contacts. Donc les fake news sont devenus effectivement une forme de support de l'indignation citoyenne. Aujourd'hui, c'est un phénomène très important. Et vous parliez des ateliers d'éducation aux médias. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait vraiment revoir notre façon de faire et essayer de toucher tout le monde? Et est-ce que c'est même possible? Alors, en tout cas, ce que montre l'étude, c'est effectivement qu'on pourrait sortir des salles de classe pour faire de l'éducation aux médias autrement, peut-être passer par les espaces publics numériques ou aller faire de la sensibilisation dans les lieux de sociabilité des seniors, c'est sûr. Donc ça, c'est les plus jeunes qui vont éduquer leurs parents, finalement, dans cette histoire. Ouais. Effectivement. Et le papier confirme aussi donc que l'orientation politique est importante. C'est un peu moins une surprise, mais comment on explique que ce soit plutôt les conservateurs, la droite, voire l'extrême droite qui soient très actifs sur ce front? Alors effectivement, c'est pas une surprise. On sait que les plus conservateurs en France, les personnes plus marquées à droite ou à l'extrême droite partagent plus de fausses informations. Et ça s'explique par le fait que ces fausses informations sont majoritairement produites par des réseaux situés à l'extrême droite du spectre politique. C'est-à-dire qu'elles sont aussi utilisées par des réseaux que certains journalistes qualifient de fachosphère, justement comme outil de propagande politique. Et pour terminer rapidement, on apprend que seulement 8,5% des gens en pratique partageaient ces fake news. C'est pas si énorme que ça. Est-ce que ça vaut la peine d'en parler autant, les fake news? À l'échelle du nombre d'utilisateurs de Facebook, 8,5%, c'est pas anodin. Mais vous avez raison de dire qu'il y a peut-être une forme de panique morale par rapport à l'effet de ces fausses informations. Des rumeurs, il y en a toujours eu. C'est un phénomène important. Maintenant, leur véritable impact sur l'opinion, il est assez limité. Merci beaucoup Romain Badouard. Vous êtes, on le rappelle, l'auteur de ce livre, Le désenchantement d'Internet, des informations, rumeurs et propagande, qui est sorti chez quel éditeur ? Chez FIP. Merci beaucoup Héloïse, à demain. À demain Mathieu. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la fonte annuelle des glaces de la péninsule antarctique, plus rapide que jamais, environ 6 fois plus rapide qu'il y a 40 ans, ce qui entraîne une hausse de plus en plus importante du niveau des océans. C'est ce que nous apprend un compte-rendu de l'Académie américaine des sciences. L'amoindrissement des glaces du continent blanc est responsable d'une montée d'1,4 cm du niveau des océans entre 1979 et 2017. Selon les auteurs, le rythme de fonte anticipé devrait entraîner une élévation désastreuse du niveau des eaux dans les prochaines années. De nombreuses villes côtières pourraient être englouti. En Australie, des centaines de milliers de poissons ont été retrouvés morts dans les fleuves du sud-est du pays. Les berges de l'immense bassin hydrographique Murray Darling empestent désormais la pourriture. L'événement a un retentissement national et le premier ministre australien parle de désastre écologique. Selon le gouvernement, c'est la sécheresse qui est responsable de cette hécatombe. Pour les universitaires, il s'agit plutôt d'une mauvaise gestion des cours d'eau. La propagation d'une algue pourrait être aussi en cause. Le gouvernement de l'État de Nouvelle-Galles du Sud redoute une aggravation de la crise avec des températures annoncées cette semaine à la hausse. Et puis les milliards de bactéries qui habitent votre intestin, en plus de vous aider à digérer et réguler votre système immunitaire, pourraient trahir votre âge. Des chercheurs dont le travail est publié dans la revue Science ont découvert que le microbiote intestinal est une sorte d'horloge biologique d'une précision étonnante, capable de prédire l'âge de la plupart des personnes à quelques années près. Si ces données sont confirmées, les bactéries intestinales pourraient s'ajouter à d'autres biomarqueurs utilisés par les scientifiques pour prédire l'âge biologique, comme la longueur des extrémités des chromosomes ou les modifications de l'expression de l'ADN au cours de la vie. Allez, les origines de l'univers, Jean-Loup Puget est notre invité dans un instant. He was just an American dream. He was just an American dream. Yeah. Yeah. He was just an American. lover, don't you come down without a sword or a gun. For the gold and the silver you're searching is hidden out there underground. But there's a beast on the cloak, guarding against the foe. And the ghost from the river is watching, she won't let you get any close. He was just an American dream. He was just an American dream. Hey, hey. Lover, don't make a sound. Bring your rifle around. When I say hallelujah, it's your cue to shoot at the head of the hound. Now take your fortune in, baby. Any moment fit your bed. Go as fast as your feet they will carry, for the greater chases be dead. He was just an American dream. He was just an American dream. Yeah, yeah. There's no running away. American Dream avec la voix de J.S. Andara. La tête au carré sur France Inter. Un peu de science-fiction, encore que ça ne semble plus être de la science-fiction maintenant, Georges Leclerc. Vous êtes dans le laboratoire du professeur Puget et nous allons parler antimatière. Avec la découverte d'hier faite par un ballon de la NASA, on a trouvé de l'antimatière. Alors qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on a trouvé par là une solution à la fabrication un peu de notre univers? Bien, nous avions étudié très en détail cette possibilité que l'univers a été composé pour moitié de matière et d'antimatière, donc que la moitié des galaxies soient des antigalaxies. Il est très intéressant de rechercher des preuves directes, si possible, de cette... Oui, alors, la découverte d'hier est une preuve directe pour vous? Malheureusement, la découverte d'hier ne semble pas être la preuve de présence d'antigalaxies. Mais Jean-Loup, vous croyez à une galaxie d'antimatière? On a beaucoup cherché ces preuves indirectes, ce rayonnement, et on ne l'a pas observé. Scientifiquement, vous n'avez rien trouvé, mais vous y croyez? Philosophiquement intéressant. Ça serait une hypothèse extrêmement satisfaisante de retrouver la même symétrie dans l'univers qu'on trouve dans les lois de la physique fondamentale. Pour l'instant, on cherche encore la preuve de cette symétrie, on n'a pas encore trouvé. Voilà, c'était vous, le jeune Jean-Loup Puget, en 1979, donc il y a 40 ans, avec des réponses à ces questions dans le journal d'Antenne 2, donc à l'époque. Vous aviez entendu votre voix depuis ou pas? Non, pas du tout. Vous souvenez de cette interview? Alors, je m'en souviens, parce qu'il y avait eu effectivement cette découverte d'un noyau d'antimatière, mais ouais. Effectivement, ils sont produits par les rayons cosmiques qui, en cognant sur la matière interstellaire et les noyaux qui sont dans le même, produisent des paires. Et donc, on peut trouver des antinoyaux. Et effectivement, on en trouve à peu près la proportion prédite. Oui. Donc, alors, c'est amusant de voir, oui, 40 ans après, ce qu'on a découvert, justement, hein, par rapport à cette interview-là. Alors, par rapport à cette interview, la question de la symétrie dans la physique est maintenant pas complète. C'est-à-dire qu'il y a des brisures de symétrie dans la physique des particules qui pourrait permettre d'expliquer pourquoi il y aurait eu un petit déséquilibre entre la matière et l'antimatière, sans qu'on ait pour l'instant un modèle complètement convaincant de ça. Mais on peut pas dire qu'on s'attend à ce que la physique soit complètement symétrique, parce que c'est pas vrai, et on n'a pas identifié le mécanisme, mais c'est une question moins cruciale. Et moi, j'ai commencé en cosmologie par travailler sur le modèle symétrique de Roland Omnès. C'est ça qui m'a amené à la cosmologie. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire, la symétrie, justement, dans l'univers? Parce que ce serait une sorte d'annulation entre la matière et l'antimatière, justement. Alors là, le fait que nous soyons là, c'est le petit excès de matière. C'est le petit excès de matière qui reste. Tout le reste est annihilé. C'est ça, ouais. Et c'est heureusement qu'il y a eu un petit excès. C'est un milliardième qui est resté. Ouais, c'est ça, c'est rien du tout. Hein. Il faut un tout petit déséquilibre. Ouais. Et ce qu'avait fait Roland Omnès, qui m'a amené à la cosmologie, c'était de faire un modèle où la matière et l'antimatière auraient été en quantité complètement égale, mais où ce serait un peu séparé des régions où il y aurait un excès de matière et des excès d'antimatière, où il avait fait un modèle qui collait avec la physique des particules de l'époque, mais qui n'est pas été confirmé. Mais surtout, on a travaillé et on a développé tout un modèle qui montre que ces régions de matière et d'antimatière grossissent. En gros, c'est un mélange comme l'huile et le vinaigre, et puis ça se déplie comme l'huile et le vinaigre parce qu'il y a une tension superficielle. Donc, on avait trouvé que les régions de matière et d'antimatière étaient très grandes, amas de galaxies, ce qui était très difficile d'observer l'annihilation sur les bords parce que la matière intergalactique est en quantité infime. Mais néanmoins, cette annihilation aurait suffi à distordre plus qu'il n'était mesuré le corps noir cosmologique dont on parlerait après. Ouais. Alors on est parti bille en tête dans cette conversation justement, mais alors c'est intéressant parce que précisément cette question de l'antimatière ou de la matière, en ce qui concerne les origines de l'univers, ça s'est passé à quel moment alors, cet excès de matière précisément? Alors l'annihilation en fait se place avant la formation. Dans l'univers, il faut effectivement, il y a des particules, il y a de la radiation, il y a toutes les particules, les quarks, les particules qui sont les sous-ensembles des protons, des électrons, etc. Donc, la matière telle qu'on la connaît, elle se produit assez tard, c'est-à-dire dans moins d'une seconde après le Big Bang. Oui, c'est tard pour vous. Et hein, après, c'est tard. Tout est relatif, mais oui. Après, ce dont on va parler, qui est l'inflation, qui a démarré l'expansion. Par contre, il y a un phénomène qui se passe après, qui donne des informations sur cette période, qui est la fusion de l'hydrogène en hélium, qui a été un des éléments qui a amené à la prédiction du fond cosmologique. Donc il y a un aspect intéressant, c'est que les éléments lourds qui nous constituent, le carbone, l'oxygène, les métaux, etc., sont formés à l'intérieur des étoiles par fusion thermonucléaire, donc qui produisent l'énergie du Soleil et l'énergie de toutes les étoiles. Mais les physiciens qui avaient étudié ça pouvaient prédire à peu près tous ces éléments lourds, mais 25% d'hélium qu'on voit à peu près dans toutes les étoiles, c'était impossible de prédire, donc on en reparlera, mais Gamow a eu l'idée que ça pouvait être dans le Big Bang et non pas dans les étoiles, que c'était synthétiser l'hélium. Alors, Jean-Luc Puget, on va faire connaissance avec vous. Vous êtes donc astrophysicien et responsable donc de HFI. C'est l'un des deux instruments de la mission spatiale Planck, dédié justement à l'étude du rayonnement fossile, cet écho lumineux du Big Bang. Vous allez nous décrire ça dans un instant. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, à l'Institut d'astrophysique spatiale et puis au département de physique de l'ENS. Et vous êtes donc également membre de l'Académie des sciences. Et on le disait tout à l'heure, deux des plus grands prix internationaux vous ont été remis l'année dernière. Il y en a même eu trois, d'ailleurs, pour vos découvertes majeures. Donc, le prix Shaw en astronomie. Et qui là récompense donc vos travaux dans le domaine spectral infrarouge micro-ondes. Alors de quoi il s'agit là pour nous expliquer en des termes clairs ce qui fait l'objet de ces récompenses? Alors dans celle-là, le fil conducteur, c'est que j'ai travaillé effectivement non pas comme les astronomes anciens et traditionnels, et les astronomes travaillent encore comme ça, en observant la lumière visible, mais en observant l'infrarouge. Alors l'infrarouge, donc c'est ce qui est au-delà de ce qu'on peut voir, et il y a une tranche de fréquence en quelque sorte à explorer, qui a révélé la chimie moléculaire, par exemple dans le milieu interstellaire, etc. Et puis on arrive aux micro-ondes, dans lesquelles l'élément phare, c'est le fond cosmologique qui domine complètement le fond. Ouais. Avec quels instruments alors on peut justement étudier ces micro-ondes là? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux types d'instruments, et c'est ce qui nous a amené à faire deux instruments séparés pour le satellite Planck. On peut utiliser des techniques de radioastronomie. On détecte, comme en radio, mais simplement que c'est à des fréquences plus élevées que les ondes radio. Mais donc, micro-ondes, les ondes qui chauffent l'eau et les aliments dans les fours micro-ondes, qui sont dans les gigahertz. Oui. C'est aussi les communications des téléphones portables, par exemple. Et donc ça, il y a des puces électroniques, des éléments qui peuvent effectivement analyser ces signaux à ces fréquences-là, après qu'elles aient été détectées par une petite antenne. Oui, donc ça, c'est une avancée très importante, justement, dans l'observation de l'univers. C'est comme chausser une nouvelle paire de lunettes pour voir les choses un peu autrement, oui, et d'autres outils. Ça a été effectivement un développement de l'astronomie millimétrique, comme on l'appelle, très important. L'autre façon de la détecter, elle est universelle, elle peut être utilisée pour toutes les longueurs d'onde, c'est d'absorber le rayonnement, et puis de regarder quelle est la quantité de radiation. Alors, il faut avoir la filtrée, évidemment, pour savoir, ne laisser passer que la tranche qui nous intéresse. Mais dans ce cas-là, on peut détecter l'échauffement. Alors, il faut moduler, d'ailleurs. Alors, on peut cacher et ouvrir, par exemple, c'est pas comme ça qu'on a fait sur Planck, mais, ou alors, propager le faisceau avec lequel on observe sur le ciel, et on regarde les variations. Et les variations qu'on observait avec Planck, elles, on va donner un chiffre, là, on est capable, avec les détecteurs de Planck, de détecter un milliardième, deux milliardièmes de watts. Ouais. Donc c'est d'une précision... Quelques milliardièmes de milliardièmes de watts. Donc c'est effrayant. Une précision effrayante. Ouais, absolument. Et pour ça, il faut effectivement, pour détecter cette petite élévation de température, il faut refroidir ces détecteurs à une très très basse température, et donc... On a fait sur l'instrument HFI haute fréquence de Planck, on a refroidi les détecteurs dans l'espace à un dixième de degré au-dessus du zéro absolu. Et c'est ça qui a donné aux équipes françaises et européennes une façon de reprendre le leadership aux équipes américaines qui, en cosmologie, dans les observations, avaient quand même tenu... La tête depuis. C'est ça. Donc ce sont ces conditions tout à fait particulières en situant ce satellite donc dans l'univers à des conditions de froid aussi ont permis donc ces découvertes. On va y revenir dans un instant. C'est toute l'aventure du satellite Planck. Jean-Luc Puget, l'invité de La Tête au Carré. J'aime la vie. J'aime les gens tant que mon tempérament se désiste des autres troubles entêtantes tant que mon tempérament. We'll be right back. tempérament. C'était Malik Judy. Oh, j'adore San Francisco, j'aimerais tellement y aller avec vous. Je comprends, tu en meurs d'envie. On va participer à un colloque exceptionnel. Le discours d'ouverture sera fait par George Smoot. George Smoot est prix Nobel de physique. Ses travaux sur le corps noir et l'anisotropie du fond diffus cosmologique micro-ondes ont cimenté la compréhension de l'origine de cet univers. Oh mon Dieu, le grand George Smoot ? Quoi, tu connais Smoot ? Mais non, quelle question ! La tête au carré. Voilà, extrait de la série Big Bang Theory. Jean-Loup Puget avec nous pour parler des origines de l'univers. George Smoot, alors qui est-il exactement? Alors George Smoot, c'est celui qui était le responsable d'un des instruments du satellite Kobe, celui qui a fait qui vérifiait les prédictions essentielles sur le corps noir cosmologique et donc la granularité qu'il fallait bien trouver pour expliquer pourquoi il y a des galaxies, etc. La granularité, c'est les grumeaux dont vous nous parliez tout à l'heure. C'est les grumeaux, oui, dont je parlais tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire, alors, c'est des grumeaux qui sont pas, c'est des grumeaux qui sont un cent millième de la, il y a un excès ou un défaut d'un cent millième par rapport à la moyenne. Mais c'est ceux-là qui ont fait et il les a détectés avec l'instrument DMR sur Kobe, aux grandes échelles et avec un rapport signal sur bruit pas très grand. Bon, c'est un grand nom en tous les cas. Mais c'était essentiel. C'était, voilà, oui, il a eu le prix Nobel pour ça. Le grand George Smoot, pour reprendre donc cet extrait à l'instant. Alors, il y a des questions des auditeurs pour vous, Jean-Loup Puget, justement, pour parler des origines de l'univers, comme Paul qui nous envoie ce message en disant « L'univers était-il statique ?» C'est une question. « Avant que les conditions d'un Big Bang soient réunies et que les galaxies s'éloignent les unes des autres, l'univers était-il statique ?» Ça veut dire quoi, ça? Alors, d'abord, savoir si l'univers change ou ne change pas, s'il est ce qu'on appelait stationnaire. Oui. On voit, ça a été une question qui a été débattue pendant très longtemps, y compris après la théorie du Big Bang. Oui. Fred Hoyle et d'autres grands astrophysiciens et cosmologistes ont défendu cette théorie pendant longtemps, et c'est Fred Hoyle qui avait inventé le terme Big Bang, qui était plutôt pour lui dérogatoire. Absolument, c'était plutôt donc, une façon négative d'en parler. Absolument. Ouais. La question du début maintenant, effectivement, quand on dit l'univers est en expansion et a changé, donc ça maintenant c'est démontré largement qu'il y change, et effectivement le début commence à démarrer, il faut bien accélérer l'univers, puisque après l'expansion se ralentit sous l'effet du, alors au moins c'était ce que j'avais appris moi quand j'ai appris la cosmologie, on appelait ça le paramètre de décélération, qui devait être l'effet de toute la masse et de la gravité qui ralentit l'expansion. Donc il y avait de toute façon qu'est-ce qui avait mis en route cette expansion qui a ralenti, et puis après on a découvert beaucoup plus récemment, une dizaine d'années, que l'univers réaccélère. Mais indépendamment de ça, donc la question de l'origine de l'expansion, de l'accélération, est posée, et il y a effectivement on ne peut pas appeler ça un modèle, parce qu'on n'a pas un modèle physique basé sur la physique telle qu'on la connaît, qui explique en détail ça. Il y a beaucoup de modèles entre lesquels on peut trier. On pourrait vous dire après que le satellite Planck a tué quand même beaucoup de modèles sur ce qu'on appelle l'inflation, qui est la phase d'accélération. Et donc, cette phase d'accélération, elle peut avoir été précédée d'une phase stationnaire, puisque une des hypothèses, c'est qu'en mécanique quantique, il y a une énergie du vide, et que ce vide quantique peut avoir subi une transition qui a initié le Big Bang. Ouais. Bon, ça, c'est une hypothèse qui est simplement une idée, et pour l'instant, il n'y a pas de modèle de ça. Mais c'est quoi le moteur, finalement, de cette accélération ou de ces ralentissements de l'univers? Alors, parce que vous dites que c'est très fluctuant, finalement. Maintenant, par contre, le moteur de l'accélération, il a été inventé par Einstein, parce que justement, il voulait un modèle stationnaire au tout début. Quand il a réalisé que la relativité générale permettait de construire des modèles d'univers, parce qu'avec Newton, on ne peut pas construire un modèle d'univers infini, par exemple. Il a introduit dans la relativité générale quelque chose qu'il a appelé la constante cosmologique, et qui contrebalançait la gravité, et qui faisait un effet négatif, en quelque sorte, qui faisait un effet d'accélération. on peut maintenant dire qu'il y a des particules dans la physique des particules et la théorie des champs qui produisent le même phénomène. Donc il y a eu probablement au début l'univers était dominé par cette constante cosmologique qui est partie de la gravité ou des particules particulières qui ont cette propriété de produire une pression négative. Et comme la pression contribue à la gravité, il se trouve que effectivement, on peut produire des gravités négatives. Mais alors, cette accélération, c'est un phénomène dont on sait qu'il va se poursuivre indéfiniment ou qu'est-ce que nous disent les modèles là-dessus? Que disent les modèles? Les modèles, il faut pas que ça se produise, que ça continue indéfiniment, parce que sinon on serait pas là. Ben l'univers se serait complètement dilué. Mmh. Et donc, il faut que cette phase d'inflation, elle s'arrête. Alors, elle s'arrête si effectivement l'énergie, c'est toute l'énergie qui est dans l'univers, qui est dans ces particules-là. Il n'y a pas de matière, il n'y a pas de radiation à cette époque. Il y a même pas les quarks et les électrons. Si ce champ, comme on l'appelle en mécanique quantique, ou ces particules, sont liées aux forces qu'on voit maintenant, les forces nucléaires, les forces électromagnétiques, etc., à un certain moment, elles peuvent produire toutes ces particules. Et donc, il faut qu'il y ait une phase, effectivement, où on produit la matière telle qu'on la connaît. Alors, c'est ce qui va conduire, effectivement, à avoir des protons et des électrons et des neutrons, etc. Donc, cette phase, pour la fin de l'inflation, il faut que l'inflation se termine. Et ça, c'est assez ad hoc pour l'instant. Donc grand point d'interrogation. Puisqu'on ne connaît pas la nature et la physique détaillée de ces particules. Ouais. Donc on n'a pas affaire à un modèle, on a affaire à ce qu'on appelle un paradigme, c'est-à-dire c'est une espèce de schéma qui a beaucoup de propriétés intéressantes parce qu'elle répond à beaucoup de questions qui se posent dans le Big Bang justement, mais on n'a pas un modèle précis de cette phase-là. Jean-Luc Puget, la mission Planck pour le grand public, c'est d'abord une image exceptionnelle qui a fait le tour du monde, qui est encore la référence absolue pour voir l'intégralité du ciel avec cette précision inégalée dont vous nous parliez tout à l'heure. On va écouter justement un petit reportage qui nous parle de cette image en mars 2013. Cette image, c'est celle de l'univers à peine quelques centaines de milliers d'années après le Big Bang. Au moment même où, jaillissant d'un magma de protons et d'électrons, la lumière apparaît pour la toute première fois. Une lumière fossile, baptisée rayonnement de fond cosmologique. Grâce au satellite européen Planck, les scientifiques ont désormais une vision précise de la naissance de notre univers. Les différences de couleurs indiquent d'infimes fluctuations de température. Les zones les plus chaudes, en bleu, portent en elles les germes du futur univers. Planck nous apporte en outre la confirmation que l'univers est bien plat, mais qu'il est plus âgé que nous le pensions, de 80 millions d'années. Alors Jean-Luc Puget, ça c'était des résultats importants évidemment. Et alors on peut imaginer cette image que tout le monde a vue, hein, je pense que chacun l'a en tête, comme une photographie vraiment de ce moment particulier 380 000 ans après le Big Bang. Absolument. Donc c'est pas la première image qui a été faite de mais ça. Mais c'est la plus récente. Mais la plus récente et la plus précise, c'est clair que c'est bien l'image donnée par Planck. Il faut... c'est pas une image, c'est une photographie, mais dire photographie, ça a été un peu trompeur. Mmh. On ne prend pas une image instantanée du ciel, évidemment. Oui. En fait, pour détecter cette radiation, le satellite tourne, donc son miroir balaie le ciel en une minute, il fait un tour complet. Et puis après, pendant que la Terre tourne et que le satellite suit la Terre dans son voyage autour du Soleil, on arrive à couvrir tout le ciel en 6 mois, et puis après on a fait en fait de presque 5 couvertures du ciel pour l'instrument à haute fréquence avait un temps de vie fini parce qu'il y avait un système de refroidissement qui dépendait d'un gaz, l'hélium-3, dont on stockait une certaine quantité, et donc quand il a été épuisé, le système de refroidissement s'est arrêté et l'instrument à basse fréquence, lui, a continué à fonctionner et a fait pendant encore 2 ans. Après. Donc, l'image, elle est recomposée après de la trace, en quelque sorte. De ce rayonnement. De ce rayonnement qui est vu et qui produit ces fluctuations infimes sur le détecteur, les bolomètres, qui sont des fluctuations extrêmement petites, et c'est pour ça qu'il fallait refroidir aussi basse température les détecteurs. Et les grands résultats de Planck, on en parle ensemble dans un instant. C'est le dossier de la tête au carré cet après-midi. D'autres questions pour vous, Jean-Luc Puget, de la part des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. A tout de suite. J'ai creusé un trou, j'y ai enfoui mon cœur, je le couvre de sang, et quand je mourrai, j'irai au paradis, parce que c'est dans l'enfer que j'ai passé ma vie. Quand je mourrai, j'irai au paradis. J'ai passé ma vie. Quand je mourrai, j'irai au paradis. J'ai caché ma vie. Combien de ruptures, combien de blessures. C'est Daniel Darc en 2007. La tête au carré. Au cœur des Alpes autrichiennes, un laboratoire s'est attaqué à l'étude de rayons encore bien mystérieux, les rayons cosmiques. Planètes et nébuleuses diffusent en effet ces rayons invisibles, composés d'électrons capables de traverser tous les corps. Déjà, on a réussi à enregistrer le passage et la fréquence des rayons, et même, grâce au radar, à faire apparaître les corpuscules mystérieux. L'action de ces rayons, très mal connue encore, arrête toute vie, fait dépérir et mourir toute cellule vivante. Impassible, la science ouvre chaque jour de nouveaux domaines. Domaines de mort, domaines de vie. Ah oui, ça foutait des jetons, hein, les actualités françaises en 1946, Jean-Luc Puget. Ah oui, les rayons cosmiques... Ça, c'est un an avant votre naissance, hein, oui, donc 1946, et on parle des rayons cosmiques comme étant meurtriers. Heureusement que non. Heureusement que non, parce qu'on est traversé c'est là, ça, en permanence. Par des tas de muons. Ouais. Mais c'est amusant, c'est comme d'ailleurs ce qu'on a fait tout à l'heure avec le son de 1979, c'est voir aussi les évolutions de la science, et en plusieurs décennies, l'avancée des connaissances, parce que là, franchement, on reprend cette archive-là, il faut revoir totalement les propos du journaliste. Alors, on revient justement en 2019, et puis à toute cette aventure avec le satellite Planck. Juste un mot justement sur Planck, puisqu'on décrivait tout à l'heure cette photo du fond diffus cosmologique, donc toujours 380 000 ans après le Big Bang, c'est vraiment les premières lueurs, hein, finalement, que nous a renvoyé l'univers. Et d'ailleurs, on peut les voir encore aujourd'hui, c'est-à-dire que ce rayonnement fossile, il est encore observable. Alors ça, c'est bien ce qui me surprend le plus moi-même, c'est qu'on puisse effectivement observer ce qui s'est passé aussitôt. Et en plus, la radiation qu'on observe, effectivement, a été libérée en quelque sorte par la recombinaison des électrons et des protons en hydrogène. Donc après, il n'y a plus d'électrons libres, et donc la radiation peut se propager. Mais l'information sur les structures qu'on voit, elle a été propagée sous forme d'ondes sonores dans ce plasma depuis un temps qui est beaucoup plus tôt. Donc, on observe, c'est une image représentative de ce qui a été encore plus tôt que les 380 000 ans. Ouais, incroyable. Donc ça, c'est de l'archéologie quasiment cosmique. Hein, Et les cosmologistes ont l'avantage, effectivement, de pouvoir voir. Mais ça, c'est bien connu, quand on observe des étoiles, elles peuvent avoir disparu. Et on les voit encore. Et on les voit encore. C'est le temps que la lumière... Et donc... Les grumeaux dont on parlait tout à l'heure dans le fond cosmologique, le grumeau dans lequel s'est formée notre galaxie et l'amas de galaxies dans lequel on est, s'il est observé par des astronomes qui sont dans ceux qu'on observe maintenant, ils nous voient comme ce qu'on voit dans le fond cosmologique. Parce que l'image de ça, comme l'image d'ailleurs de la formation de la Terre et l'image des Diplodocus, elle est toujours en train de se propager. Donc si quelqu'un arrive à observer... Exactement. Donc ça, c'est extraordinaire, finalement. Il y a un frigidaire à information qui est que l'univers est très transparent, en fait. En particulier dans les longueurs d'onde plus grandes. Et donc, les images sont là. Alors, le satellite Planck, il a été placé où, justement, dans l'univers, pour qu'on puisse accéder à cette photo extraordinaire et trouver ces conditions de température si froides? Alors, il fallait effectivement que le télescope se refroidisse tout seul, par exemple. Et il s'est refroidi à 35 degrés au-dessus du zéro absolu, ce qui est quand même pas beaucoup. Et un point idéal pour ça, c'est un point qui est sur la Terre, sur la ligne Terre-Soleil. Et si on se place entre la Terre et le Soleil, il y a un point stable, qui est le point dit de Lagrange, le mathématicien français qui a défini ces points, qui sont à 1,5 million de kilomètres dans la direction du Soleil. Et il y a un point stable de l'autre côté, à l'extérieur, qui est le point de Lagrange L2. Et donc, quand on est là, 1,5 million de kilomètres, c'est trois fois l'orbite de la Lune. Donc, la Terre, la Lune, le Soleil sont toujours dans la même direction. Et donc, on fait les panneaux solaires, regarde de ce côté-là, et ça protège toute l'instrumentation, le télescope, etc., des radiations les plus chaudes. Qu'est-ce qu'on retient finalement des résultats de Planck? S'il faut faire un résumé très très rapide, parce qu'évidemment le temps nous manque, quelles sont les deux ou trois informations selon vous essentielles à retenir? Alors la précision sur la composition de l'univers en ses différentes composantes, qui sont définies par la relativité générale comme celles qui ne se conduisent pas de la même façon dans l'expansion et pour la gravité. Et ça, on a amélioré ces proportions. Donc c'est 4,9% de matière ordinaire, la nature qui nous compose, la matière noire. Et l'énergie noire, dont on ne connaît pas la nature, sauf que c'est ces comportements qui fixent leur nature. Mais ce qui a amené, je crois, le résultat le plus spectaculaire de Planck, c'est de vérifier un certain nombre de prédictions sur la phase d'inflation, cette phase d'inflation qui serait l'accélération, le début du Big Bang. L'univers doit être plat. Plat, ça veut dire que les sommes des angles d'un triangle à très grande distance dans l'univers fait bien 180 degrés. Alors que sur la surface d'un ballon, par exemple, elle fait plus que 180 degrés. Et donc, la courbure est intrinsèque à la description de la gravité par la relativité générale. Et l'univers aurait pu être courbé beaucoup. Et la phase d'inflation, si l'univers est courbé, aplati complètement. Et donc, on s'attendait à voir ça, et on a ça à un millième près. L'autre prédiction, c'est que la fin de l'inflation fait que les très grandes structures et les petites ne sortent pas en même temps. Et donc, au lieu d'avoir ce que les physiciens appellent un spectre blanc, toutes les structures ont la même amplitude à toutes les échelles, il y a un petit décalage de 4% par rapport à un spectre complètement blanc qu'on a observé. Ouais. Donc, ça a renforcé ce que j'appelais le paradigme, le schéma inflationnaire pour le début de l'univers, qui a pris beaucoup de poids. Évidemment. Voilà, aventure européenne de Planck à laquelle vous avez très largement contribué, Jean-Loup Puget, et qui vous a valu donc ses récompenses les plus prestigieuses. Ça a été vraiment votre année 2018, hein, parce qu'il y a eu énormément de prix qui sont tombés. Ouais, les prix, ils ont été pour l'équipe aussi. Effectivement, pour l'équipe, parce que c'est important de rappeler ça. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé. Merci beaucoup, Jean-Loup Puget, d'être venu nous rendre visite aujourd'hui à la Tête au Carré. À bientôt, merci. Merci. France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne. Attention, je vais piquer. Bonjour Dominique. Bonjour Mathieu. Et vous nous parlez aujourd'hui de l'effet nocebo. Eh oui Mathieu, à l'inverse de l'effet placebo qui soulage, l'effet nocebo provoque des symptômes désagréables. Alors tout dépend de l'image du médicament, positif pour l'effet placebo, négatif pour l'effet nocebo. Je vous ai raconté la semaine dernière que la commercialisation de la nouvelle formule du médicament Levothyrox en Suisse s'est bien passée, contrairement à ce que nous avons connu en France. Et pourtant, le médicament est strictement identique. Il est donc probable que l'effet nocebo explique au moins partiellement les problèmes constatés en France. Mais les troubles ressentis seraient imaginaires hein ? Ah non, absolument pas. Hein. C'est justement l'erreur fréquente à ne pas commettre. Les douleurs, vertiges, fatigue intense, nausées, diarrhées, baisse de tension sont bien réelles. Hein. L'effet nocebo modifie notre fonctionnement cérébral, notre seuil douloureux, notre métabolisme ou encore les équilibres hormonaux. Ce n'est pas du chiquet et encore moins des manifestations hystériques survenant chez des personnalités fragiles. Mmh. Tout le monde peut être concerné. Je vais vous donner quelques exemples particulièrement démonstratifs tirés d'un billet de blog de mon confrère Jean-Marie Vaillou. Le premier concerne un homme qui participait à un essai clinique concernant un antidépresseur. Alors cet essai était en aveugle, hein, c'est-à-dire que les patients volontaires pour l'étude ne savaient pas s'ils prenaient le vrai médicament ou le placebo inactif. Or cet homme a fait une tentative de suicide en avalant 29 comprimés, mais pris de remords, il a appelé les secours qui l'ont amené à l'hôpital dans un état critique, 8 de tension, livide, en sueur. Il a été pris en charge rapidement et malgré la perfusion de sérum, sa tension artérielle peinait à remonter. Pendant ce temps, les médecins ont contacté les organisateurs de l'étude pour savoir s'il avait avalé 29 comprimés d'antidépresseurs ou de placebo. Et alors, c'était le placebo ? Eh oui, exactement. Ouais. Et lorsqu'il l'a appris, tous les symptômes ont disparu en un quart d'heure et sa tension est remontée. Ça paraît incroyable quand même, non ? Oui, oui. Quand les gens ont vécu un effet nocebo, ils n'y croient pas, même avec la preuve sous les yeux. Et parfois, l'effet placebo et nocebo sont mélangés. Des chercheurs du MIT ont enrôlé des étudiants pour tester un médicament présenté comme un antidouleur efficace. Les étudiants étaient séparés en deux groupes. Au premier, on annonçait que le médicament coûtait 2 dollars le comprimé, et à l'autre qu'il n'avait coûté que 10 centimes grâce à un rabais important. Mais dans les deux cas, hein, le comprimé était un placebo inactif. Et alors ? Eh bien, les étudiants ont mieux supporté la douleur dans les deux groupes, ça c'est l'effet placebo, mais dans le groupe du médicament à 10 centimes, le soulagement a été beaucoup moins net. Et ça, c'est l'effet nocebo, induit par le caractère dévalorisant d'un médicament au rabais. Incroyable. Alors, autre exemple d'une intrication entre placebo et nocebo. Dans un EHPAD, une maison de retraite, on a donné aux infirmières un stock de placebo présenté comme un nouvel antidouleur très puissant, mais qui pouvait parfois provoquer des diarrhées. Un mois après, les infirmières ont rendu les comprimés restants en disant « Ah non, hein, votre médoc est très efficace sur la douleur, mais ils ont tous la diarrhée, on en a marre de les changer tout le temps. » Donc, l'effet nocebo est une réalité. Il peut être puissant et expliquer de nombreux troubles ressentis avec les médicaments, et il n'a absolument rien d'infamant pour ceux ou celles qui en sont victimes. Voilà une chronique nocebo à réécouter sur franceinter.fr. Merci beaucoup Dominique, à la semaine prochaine.